Pour notre, ce matin, ce que je pensais faire, c'est donner un petit rapport de voyage que j'ai fait avec André Curado, puis Lise, son épouse, en République dominicaine, du 16 mars au 13 avril. Je suis revenu mercredi, et puis, comme je disais à certaines personnes, je me demandais comment ça allait, puis je disais que lorsqu'on revient, hein, peut-être que Glenn et d'autres qui voyagent, dans des pays en émergence, lorsqu'on revient, c'est toujours difficile de se réadapter à la vie d'ici. Hein. C'est comme, je veux dire, c'est comme un astronaute qui revient sur Terre, quand il rentre dans l'atmosphère, il faut qu'il se réhabitue à l'oxygène hein, terrestre. Et puis, alors lorsqu'on revient, c'est comme on est encore, une partie de nous était encore là-bas, puis on se réadapte à la vie montréalaise, puis au rythme de Montréal. Fait que, donc, c'est un peu, je vis ces derniers jours, je suis encore en partie là-bas. Et puis, parce que c'est aussi des gens là-bas que je connais, hein. Donc j'ai revu des amis, aussi bien qu'on a fait la mission. Donc les 2 premières semaines, tu veux changer de la diapo? En ouverture à ce rapport que je fais sur la République dominicaine. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait partagé sur ce verset du psaume 14, verset 4, dans la Bible en français courant. Et puis, c'est un peu comment je pourrais dire, le leitmotiv, la motivation que j'avais l'année dernière en allant en République dominicaine, puis que, encore cette année, alors que je priais, puis je disais, Seigneur, est-ce que c'est une promesse, quelque chose, un passage, un psaume qui peut nous motiver. C'est encore la même pensée que j'avais. Lorsque David hein, va mettre dans la bouche de Dieu, hein, comme si j'avais une bouche, là, mais c'est comme si Dieu disait, ils ne comprennent vraiment rien, dit le Seigneur, tous ces gens qui font le malheur des autres, qui se nourrissent en exploitant mon peuple, et ne s'adresse jamais à moi. Mais ce qui m'avait touché l'année dernière, c'était cette parole, ils ne comprennent vraiment rien. Tous ces gens qui font le malheur des autres, on pourrait dire, ne comprennent rien ces humains. C'est comme si Dieu disait, ils ne comprennent rien ces humains qui font le malheur, qui vivent pour faire le malheur des autres. Puis on sait qu'il y en a, hein. Il y en a qui font le malheur des autres. On en a au Québec, on en a ailleurs. Mais si on faisait l'exercice d'inverser la phrase pour lui faire dire le contraire, alors le verset dirait, ils ont tout compris, dit le Seigneur, tous ces gens qui font le bonheur des autres. Que si on se met à vivre pour faire le bonheur des autres, alors, c'est comme si Dieu nous disait, mais ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Puis je pense que hein, je pense que nous sommes dans cette, pour la plupart, nous sommes dans cette voie de vouloir faire le bonheur des autres, de vivre en pensant aux autres. On est inspiré par la vie de Jésus, évidemment. Hein? Christ a donné sa vie pour nous. Et puis, mais souvent, c'est bon de se le rappeler. Parce que même lorsque j'étais là-bas en République dominicaine, mais surtout lorsqu'on vit ici, hein, on est dans le train de vie occidental, le mouvement de la vie, le train-train de la vie, on a tendance à oublier parfois. Oublier parfois les questions de l'examen. Vous vous souvenez? Des questions de l'examen, que finalement, dans la grande évaluation, le jour du jugement, les questions qui vont être sur le formulaire de l'examen du ministère, hein, ça ne sera pas doctrinal, ça ne sera pas même, jusqu'à un certain point, moral, ça va être j'étais en prison, vous êtes venu me voir. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais malade, vous m'avez soigné. Hein? J'étais étranger, vous m'avez accueilli. Donc, pour moi, c'est un. Il faut que je me rappelle souvent ce sont là des questions de l'examen. C'est des questions qui vont être posées dans l'évaluation finale que Dieu va faire de nos vies. Et j'aime bien parce que justement, il y a un chapitre sur la fin des temps, l'eschatologie. Et puis, c'est le propos qu'il tient, que finalement, nos vies vont être évaluées d'après la façon dont on a répondu à ces questions-là de Matthieu 25. Ce ne sera pas des questions doctrinales, à savoir est-ce qu'on a bien compris la Trinité, est-ce qu'on a bien compris la doctrine de ceci ou de cela, mais ça va être avec l'amour de Dieu, l'amour qu'on a reçu. Nous qui avons été touchés par l'amour de Dieu, comment avons-nous ensuite donné à d'autres cet amour-là? Comment avons-nous répondu vers d'autres? Donc, c'est la motivation pour laquelle j'étais là-bas, puis que vous avez aussi, parce que l'Assemblée, hein, vous avez contribué en payant mon mois de rémunération, vous avez contribué à ce que je puisse aller en République dominicaine. Donc, c'est pourquoi je tenais aussi à vous faire un rapport des activités là-bas. Prochaine. Okay. Donc, juste pour vous rafraîchir au niveau de la géographie, la République dominicaine partage l'île de l'Hispaniola avec Haïti, c'est tout proche. Je suis quasiment allé en Haïti parce que quelqu'un s'y rendait et puis il m'avait offert d'y aller, mais il a fallu que je sois 5 jours parti et j'avais d'autres obligations. Mais si la personne avait été peut-être 2 jours, peut-être là je serais allé à Port-au-Prince. Parce que c'est ça, on me dit que hein, c'est tout un spectacle à voir, tu sais, l'effondrement puis la situation à Port-au-Prince. Donc finalement, je ne suis pas allé. Mais il faut se rappeler. Il faut se rappeler que la République dominicaine, malgré le fait que c'est une destination touristique, la République dominicaine demeure un des pays les plus pauvres des Amériques. Okay? Un des pays les plus pauvres. Maintenant, comme dans toutes les sociétés, même en Haïti, on le retrouve, de l'élite, de des gens qui en ont de l'argent. Hein? Probablement que vous ne verrez jamais autant de BMW, de Mercedes que dans des pays en émergence. Hein? Parce que les riches, ils vont s'acheter de belles grosses voitures. BMW, Mercedes, une Audi. Mais par contre aussi, vous ne verrez jamais autant de minounes qu'à Port-au-Prince, dans Santo Domingo. Je plaisante des fois avec eux en leur disant que quand je monte dans un taxi, que eux appellent un taxi, mais que hein, nous, on appellerait un minoun, je leur disais, ici, c'est moi qui paie pour monter dans votre voiture. À Montréal, vous me payeriez, puis je ne monterais pas. Hein? Mais là-bas, il faut bien circuler. Donc, c'est pour se rappeler que la République dominicaine est un des pays les plus pauvres des Amériques. Je donne un exemple. Le salaire d'un policier, hein, parce que j'ai parlé à un policier, maintenant j'espère qu'il m'a dit la vérité. Hein? Mais il me disait que son salaire était de 5 000 pesos par mois. 5 000 pesos. Ensuite, j'ai parlé à quelqu'un qui était dans l'armée, c'est un soldat dans l'armée, et puis que son salaire à lui était de 4 500 pesos par mois. Ayant vérifié avec d'autres, avec un pasteur de Puerto Plata, Pedro me disait, oui, sensiblement, c'est ça, environ 4 5 000 pesos, même il y en a qui ont moins que ça, dépendant du grade qu'ils ont dans l'armée. Un logement, pour donner un exemple, un logement. J'ai 3 amis qui vivent à Santo Domingo, d'ailleurs, je suis demeuré chez eux. Quand je suis arrivé à Santo Domingo, j'ai fait 4 jours à l'hôtel, puis ensuite, j'ai dit, bien, viens demeurer chez nous. Puis, j'ai voulu visiter la maison avant. Et puis, quand j'ai vu qu'ils vivaient dans un quartier bien, puis une maison bien aussi, là. C'est un beau logement. Puis, la personne m'a dit, c'est mieux que ce que tu avais en état haïtien. Ça m'a rassuré. C'était vraiment bien. Je suis demeuré là. Pour le reste de mon séjour à Santo Domingo. Mais leur logement, Bien simple, là, bien simple. Deux chambres, petite cuisine, même pas de salon, là. C'est sûr, de bien simple. Mais il y avait un très grand balcon. J'aimais bien m'asseoir là pour lire. Mais un logement bien simple, 12 000 pesos par mois. Si votre salaire est de 5 000 pesos, vous êtes un père de famille, vous êtes un policier. Vous êtes un policier, là. Vous touchez un salaire de 5 000 pesos et que votre logement vous coûte 12 000 pesos, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. C'est pourquoi il y a autant de corruption. Parce que les policiers vont vous arrêter pour n'importe quoi, pour rien. Et puis, simplement parce qu'ils veulent que lorsqu'ils vous demandent votre permis de conduire, que vous glissez quelques pesos, un 500 pesos, ça va être, et puis vous laissez aller. Okay? Maintenant, si vous ne glissez pas des pesos, vous pouvez vous retrouver au poste de police. Mais c'est pour ça que dans des pays comme la République dominicaine ou comme Haïti, il y a autant de corruption. Parce que les gens sont mal payés. Fait qu'ils n'ont pas le choix. Enfin, ils n'ont pas le choix. On s'entend, hein? On a toujours un choix, mais. Fait que c'est la réalité de la République dominicaine. Là, je parle des Dominicains. Moins 5 000 pesos, ça serait environ 200 $. 200 $ par mois. Environ. Le dollar américain, là, ça dépend de la valeur du dollar canadien, là, mais le dollar américain, c'est 1 $ américain te donne 34 pesos. Ça, tu peux faire le calcul, là, 200 divisé par 34, ça va te donner le montant US, ça te donne. Ça, c'est la réalité des Dominicains. Les Haïtiens qui se retrouvent en République dominicaine, alors eux, sont dans une situation encore pire. Parce qu'ils n'auront pas les meilleurs jobs, là, hein? Et puis, bien souvent, ils vont être obligés de travailler pour une bagatelle, là. Fait que les photos, vous allez voir, les barrios qu'on a visités, c'était des barrios non seulement où il y avait des Haïtiens, mais aussi des Dominicains. On va voir la prochaine diapo. OK, donc, c'est une photo là, de André Élise qui m'accompagnait. Et puis, ça, c'était pas loin de l'hôtel où on était. Il y avait un restaurant qui servait du bon café parce que le café à l'hôtel était pas buvable, mais pas buvable, impossible. Et puis, pourtant, dans un pays de café, hein, parce que, mais le café n'était pas buvable. En fait, des fois, on allait dans ce petit café. Hein, c'est coloré, hein, j'aime ça. Prochaine photo. OK, toujours donc avec Lise, André. Prochaine. Fait, donc, les premiers jours, on était là, on s'était dit, on va prendre un petit temps de repos. J'ai réalisé que j'étais très fatigué en arrivant là-bas. Parce que le premier jour, j'ai dormi 12 heures. Ça ne m'arrive jamais, tu sais, de dormir 12 heures. Là, c'est comme, j'ai dormi 12 heures, la tranquillité, hein, le calme, j'ai dormi. Mais la première journée, donc, on a tout de suite voulu contacter les contacts que nous avions. Et nous avons pu rencontrer Haroun Charania, qui est un missionnaire canadien. Disons que Harry lui-même, hein, est très cosmopolite. Il est de père indien mélangé avec de l'africain. Sa mère, une Irlandaise. Avec une autre, je ne me souviens plus, en tout cas, un très beau mélange à lui seul. Et Harry, donc, c'est quelqu'un qu'on avait rencontré l'année dernière, en 2009, et puis qu'on n'avait pas eu le temps vraiment de partager avec lui, parce que c'était fait à la toute fin du voyage. Donc, cette année, j'avais à cœur de reprendre contact avec lui. Pas en même temps pour vérifier avec lui certains contacts que nous avions, savoir s'ils étaient crédibles, etc. Là. Et puis, donc finalement, ça a été vraiment un rendez-vous divin, parce que Harry nous a mis sur une bonne piste Parce que, entre autres, il nous a appris qu'un orphelinat que nous avions visité l'année dernière, puis on va voir un petit peu plus loin, là, un orphelinat qu'on avait visité, qui était géré par Globe Works, dont un missionnaire américain, Brad Jenkins, qui était le missionnaire. Et puis, on a appris que cet orphelinat, maintenant, était fermé, parce que durant l'été, l'année dernière, il y a eu la bisbille, et puis finalement, le gouvernement a obligé de fermer l'orphelinat. La mission, il y a eu donc la bisbille entre le missionnaire puis d'autres personnes, puis tout ça. Fait que la mission a décidé de fermer complètement cette mission-là. Et puis Harry était très intéressé, c'est que nous, on puisse prendre la relève, qu'on puisse donner suite à ce projet-là. On va y revenir tantôt. Fait que Harry, donc, c'est le premier qu'on a rencontré, et puis on a passé une bonne partie de la journée avec lui. Le lendemain, il quittait pour les États-Unis, et donc on l'a rencontré juste à temps. Ensuite, on a visité, vous vous souvenez que j'avais dit qu'il y avait un groupe avec lequel nous pensions établir un partenariat, le pasteur Jacob, dans le quartier Las Aguas Negras, les eaux noires. C'est un quartier qui est érigé sur un dépotoir. Puis quand c'est la saison des pluies, puis que l'eau monte, alors l'eau est noire. Alors c'est pourquoi ils appellent Las Negras, Las Aguas Negras. Fait qu'on pensait faire un partenariat avec eux, et puis finalement on était un peu déçus, un peu pas mal déçus de la tournure des événements avec eux. Fait qu'on a décidé de ne pas faire un partenariat avec eux. On était vraiment en stand-by. C'est là que on va voir un petit peu plus loin. Ça, c'est l'école, là, parce que eux, quarantaine d'enfants dans une pièce, mais c'est ça. C'est qu'il y avait certaines données qui n'étaient pas vraiment franches. Et puis, on a senti que ce n'était pas tout transparent. Parce qu'on a dit, bon, on va regarder ailleurs. Dora l'exploratrice est rendue là. Dora l'exploratrice est rendue là. Dora. C'est Dora l'exploratrice. C'est grâce à 3600 secondes que je la connais. Ça, c'est des enfants de l'école. C'est leur... Non, ça, c'est une école. Une école qu'il fait dans sa maison. Et puis, c'est pour ça qu'on était intéressés à l'aider. Mais là, on s'est rendu compte qu'il y avait anguille sous roche dans cette situation-là. Ça sentait pas, c'est ça, ça sentait le poisson. Un peu plus tard, là, on a visité l'établissement de Richard Brochu, qui est un Canadien aussi, un Québécois qui est en République dominicaine depuis 17 ans. Et puis, avec lui, on a marché dans le barrio, dans les quartiers. Pauvre, il a débuté son travail, et puis on a vu où il a débuté, puis où maintenant il en est rendu, et puis donc avec l'aide de plusieurs églises ontariennes de Toronto, donc ils ont pu ériger ce centre pour les enfants. C'est une école chrétienne, où ils enseignent les enfants des quartiers pauvres, des barrios qui sont sont à côté. Et puis, on va passer à la prochaine, vous allez voir. Oui. Donc, c'est Richard. Prochaine, Daniel. Et là, vous voyez un peu, des classes à l'intérieur. Ça, c'était la cafétéria. Très bien, on a été vraiment impressionnés là, par la propreté des lieux, par l'ordre qui régnait, aussi bien que les valeurs transmises. Parce que les enfants, s'ils veulent manger, il faut qu'ils fassent des petits travaux aussi. Il faut qu'ils ramassent les papiers dans la rue, il faut qu'ils fassent un travail pour la communauté s'ils veulent être. Et donc, on a trouvé le concept très bien où l'enfant ne reçoit pas simplement un handout, comme on dit en anglais, là, mais qu'il doit contribuer en retour à faire quelque chose. C'était très impressionnant cette visite avec Richard. On va continuer. Alors, encore là, c'est avec d'autres jeunes à la cafétéria, des plus vieux, encore. Encore. Encore. Mm-hmm. OK, là, c'est. Pardon? Un, le matin. Là, si les enfants arrivent, il y en a qui mangent en arrivant, les plus jeunes, pendant que les plus vieux commencent leur classe. Ensuite, au temps de la récréation, là, c'est les plus vieux qui viennent manger. Fait que les enfants sont sûrs d'avoir au moins un repas par jour. Alors là, c'était les enfants qui jouaient dans la cour. Alors, c'est des classes de différents âges. Ils ont trois classes. Non, seulement une école. Les parents. Les parents doivent fournir. Ouais. Il le faut qu'ils la trouvent. Même en Haïti, c'est le même. C'est très important pour eux, les costumes. Très important. C'est une façon de responsabiliser aussi les parents, la famille, de fournir au moins le costume des enfants. C'est beau, hein? Hein? Alors, dans Richard, c'est surtout des Dominicains. Il y avait peut-être, je crois, on a compté peut-être un ou deux Haïtiens qui étaient dans des classes. Mais c'est des Dominicains très pauvres, là, qui, comme on a dit tantôt, ce sont de la classe ouvrière. Alors, Richard fait un très bon travail. Très bon travail. On était très... retourne en arrière. Ça, c'est le visage typique d'un Dominicain. OK? Les Dominicains sont fiers. Très fiers. Ne faites pas une injustice à un Dominicain. Parce que l'Haïtien peut peut-être vous pardonner, mais le Dominicain ne vous pardonnera pas. Vous vous souvenez de l'entraîneur des Expos, hein? Alou, là? Philippe Alou, hein? C'était quelqu'un de fier. Il fallait pas lui marcher sur les orteils. Alors, prochain. Fait que, donc, on est allé ensuite faire une promenade avec Richard dans ses deux barrios. Là, c'est des enfants dans le quartier. Continue. OK, c'est Richard avec un des jeunes dans le quartier, un jeune qui fréquente l'école. OK, ensuite, on est allé voir l'orphelinat à Abillard. Ça, c'est l'orphelinat dont j'ai parlé tantôt. Ça, c'est une photo que j'avais prise en 2009. D'ailleurs, c'est la même, il y a une photo semblable qui se trouve sur le Babillard derrière, que je pense que c'est toi, Daniel, qui l'avais affiché, Michel. OK. Alors, cette photo-là avait été prise à l'orphelinat. L'année dernière, lorsqu'on était à l'orphelinat, on avait vraiment été un peu comme... Là, si on est allé voir le ministère de Richard Brochu, on avait été vraiment enthousiaste. On était content de voir cet orphelinat, puis les enfants, la joie qui régnait, puis la propreté aussi des lieux. C'était vraiment bien. Ça, c'était en 2009. Cette année, 2010. En entrant dans la cour de l'orphelinat, André, Lise et moi, on a senti une tristesse. Parce qu'on a senti que le lieu, là, hein, les lieux, c'était comme si différent l'année passée. Abandonné. Les lieux étaient vraiment... c'était sale. Laissé à l'abandon. Puis, c'est en ce moment-là qu'on s'est dit, on a eu à cœur de dire, OK, on va présenter un projet. Fait que, on a eu à cœur donc de proposer un projet à la mission GlobeWorks et à Harry. Et puis, le projet qu'on leur a présenté, c'est à savoir que nous sommes prêts à prendre la relève, de prendre en main le site. S'ils nous prêtent les lieux, nous le louent à un prix symbolique, alors on est prêt à relancer la mission. Mais pas comme orphelinat, parce que le gouvernement a définitivement fermé ça par rapport à un orphelinat. Mais par contre, on a certains projets Alors, vous allez voir, là, c'est ça, c'est une photo là, de la bâtisse, c'est une très belle bâtisse sur 3 étages, okay? Plus loin. Et ça, c'est une classe d'Haïtiens qui se tient dans le bâtiment, mais avec très peu d'équipement. Leur tableau vert, c'était du verre peinturé sur le mur. Okay? Et puis, et comme vous voyez, c'est même pas des pupitres, c'est des tables qui se retrouvaient dans la cafétéria l'année passée. Ils les ont montées en haut dans les anciens dortoirs pour faire une classe pour les enfants haïtiens qui ne sont pas légales, hein? Donc ils ne peuvent pas fréquenter l'école dominicaine. Parce que pour fréquenter l'école dominicaine, ils doivent être légalisés. Et puis, d'ailleurs, on a appris que beaucoup de Dominicains ne sont même pas légaux eux-mêmes, dans ce sens que les parents ne prennent pas la peine d'enregistrer leurs enfants. Comme nous, on fait ici, là, d'avoir un certificat de naissance. Alors, il y a beaucoup de Dominicains eux-mêmes qui ne peuvent pas fréquenter l'école parce que les parents sont trop pauvres et puis ils ne prennent pas la peine de l'enregistrer, ce qui est le cas pour les enfants haïtiens illégaux aussi. Donc, c'est pourquoi que là, il y avait des classes pour eux en créole. Mais là, ça faisait vraiment dur. Le projet, parce que avec le site, nous avons vu là, qu'on leur a présenté ce projet-là, là, un projet de faire un centre d'accueil pour les enfants de rue. C'est une chose qu'on pourrait faire. Une maison de l'amitié pour les sans-papiers et puis les sans-domicile. Parce que depuis le séisme en janvier, beaucoup de jeunes haïtiens, 17, 18, 19, 20 ans, on en a rencontré à Porto Plata, des jeunes qui se retrouvent à Porto Plata sans papiers, sans domicile, et puis qui sont laissés à eux-mêmes, là. Et puis qui peuvent facilement tourner donc vers le crime ou la délinquance. Alors, on s'est dit que ce serait un besoin à Porto Plata d'avoir une maison, genre une maison d'amitié, où les sans-papiers pourraient venir trouver des ressources et puis même leur offrir un lit pour quelques soirs, le temps qu'ils trouvent mieux. Aussi bien qu'opérer une école reconnue par l'État pour les enfants du barrio, parce que c'est un barrio très pauvre, aussi bien d'en faire un centre communautaire d'apprentissage, et peut-être, à long terme, un retour à la mission première d'un orphelinat. Voici des projets que nous avons. Maintenant, Harry était très enthousiasmé. Avant mon retour, le 13 avril, donc j'ai revu Harry à Puerto Plata. Et puis pour lui il va recommander que notre projet soit accepté par Global. Donc maintenant, la balle est dans leur camp, ça va être à eux de voir s'ils acceptent le projet qu'on leur présente. Deuxième étape, Santo Domingo, j'étais accompagné de Jean-Marie Gédéon qui m'avait préparé un programme. Jean-Marie, c'était quelqu'un qui avait travaillé avec moi au Cap Haïtien, à l'orphelinat. C'est un jeune aussi que j'ai parrainé depuis l'âge de 12 ans. C'est une suite. Et maintenant, Gédéon est pasteur aussi à Santo Domingo, dans une église haïtienne de Santo Domingo, dont on va voir un petit peu plus tard. Prochaine diapo, ça c'est la demeure de Jean-Marie. Jean-Marie, j'avais peur. Tant que mes amis ont dit, écoute, nous on a un logement, tu pourrais venir vivre avec nous. C'est ça que j'avais peur. Je me retrouve dans une maison comme ça. Et puis, parce que c'est très... Prochaine diapo. C'est très... c'est le quartier. Regardez le quartier, un autre. Alors, c'est... quartier très pauvre. Prochaine. OK, reste là. Ça fait que... Donc, Gédéon reste dans un quartier. Comme je disais, très, très, très pauvre. Et puis, lui-même aurait besoin d'être aidé. Fait que, avec Jean-Marie, j'ai parcouru Santo Domingo de toutes les façons. J'ai jamais autant hein, parcouru la ville de cette année. En Homsa, ça c'est des autobus, on va voir des photos tantôt. Ça c'est des autobus, des gros bus, mais les chauffeurs, c'est des cow-boys. Hein? C'est inimaginable. J'ai pris, le premier jour que j'ai pris l'autobus, je me suis dit, c'est la dernière fois que j'en prends un. Je veux vivre. Mais finalement, hein? Tout le monde a fait le don. Alors, à Santo Domingo, là, j'étais un vrai missionnaire sur le terrain. Là, sur la tête à Porto Plata, on avait alloué un CRV, un Honda CRV, parce que André, il a moins d'étoffe de la mission. Ça lui demandait un petit peu plus de confort. On avait loué une Honda CRV pour se déplacer. De toute façon, à Porto Plata, il y a moins de transport en commun. Donc, à Santo Domingo, le transport ne manque pas. On va revenir au transport en commun en dernier. Donc, ça, c'est une église que j'ai visitée dimanche dernier. J'étais là, puis j'ai prêché dans cette église où Gédéon est pasteur. Et entre autres, j'ai rencontré, là, vous ne voyez pas tellement bien la photo, c'est dommage. C'est un jeune homme de 17 ans. Prochaine photo. Ça, c'est Samuel Rémy. C'est un Haïtien qui se trouvait à Port-au-Prince lors du séisme. Il était allé, je ne me souviens plus, là. En tout cas, c'est un bureau gouvernemental à Port-au-Prince. Il était allé pour son père adoptif, voulait le faire venir aux États-Unis. Donc, il allait au bureau de l'impôt chercher des documents parce que son père allait le faire rentrer en Floride. Cette journée-là, il y a le tremblement de terre à 4h30 d'après-midi. Et puis, les bureaux de l'impôt donc, se sont effondrés. Puis là, il y a un mur qui a tombé sur une de ses jambes. Et puis, ils ne savent pas combien de jours qu'il était sur les décombres. Mais lorsqu'ils l'ont trouvé, sa jambe était putréfiée. Et ce que d'autres m'ont dit, ce que Gédéon me disait, parce que c'est un ami de Gédéon, un ami de la famille. Et puis, Gédéon me disait que ça sentait tellement mauvais que même les secouristes avaient de la difficulté à supporter l'odeur de la jambe qui était en putréfaction. Et puis, donc, la MINUSTA l'ont transporté d'urgence à Santo Domingo. Puis, ils l'ont opéré une première fois. Ils l'ont coupé au milieu de la cuisse pour ensuite complètement enlever la jambe parce que la gangrène continuait. 17 ans. Et puis, donc, je suis allé le visiter chez lui. Puis ensuite, le dimanche, parce qu'à 17 ans, c'était un jeune qui déjà avait enregistré un premier CD, parce que c'était un jeune rappeur, faisait du rap. Et puis, là, il a vu sa carrière de rappeur prendre fin. Moi, je lui ai dit non. J'ai dit, tu seras le premier rappeur unijambiste. Tu sais, why not? Et là, je lui ai raconté un petit peu comment les Olympiques, les Paralympiques qu'on a, puis comment tu as des athlètes d'ici, comment même ayant des infirmités quand même vont réussir à faire des choses. Mais il y avait un très bon moral, et puis il a dit, bon, maintenant je vais chanter pour Jésus, à la place de faire du rap. Mais je lui ai dit, mais tu pourras faire du rap pour Jésus aussi, parce que j'aime bien le rap. Ça fait que reste à voir ce qu'il va faire de sa vie. Mais ce dimanche-là, il a chanté, puis il est même assis sur son fauteuil. Il n'arrivait pas à se contrôler, puis à faire des gestes de rappeur. Très sympa. Donc, vous pouvez vous souvenir de lui dans vos prières, parce que la plaie n'est pas encore guérie après autant de mois. Et puis, donc, il craint que peut-être la gangrène continue. Pas présentement, parce qu'il n'est pas guéri encore. Il ne peut pas y mettre de prothèse. Oui. Mais c'est ça. Puis son père continue à faire des démarches pour le faire rentrer aux États-Unis. C'est ça. Donc, tout en étant à Santo Domingo, on voyait les problèmes d'Haïti qui nous suivaient. Prochaine. Je parlais de moyens de transport. Elle est belle, l'autobus, hein? Elle est belle. Mais il y en met du monde dedans. Il y en met du monde. Ah! Tassé comme des sardines. Ça ne peut pas. Ça se peut pas. Puis là, là, il y a très peu de bancs, donc il faut s'accrocher après les bancs. Et les odeurs. Les odeurs. Non, non, ben c'est étonnant, les Dominicains sont propres. Ça sent bon. Mais hein, on était agrippés à prendre la banque. Puis là, moi, je faisais des blagues, puis tout le temps, j'arrivais le soir à la maison, puis je disais, bon, puis genre, comment était ta journée? Puis là, je disais, ben, j'ai dansé la meringue. Parce que l'autobus, hein, comme je disais tantôt, les chauffeurs, ils ne pensent pas du tout aux passagers qu'ils ont. Hein. Ça freine brusquement. Voum! Tout le monde là. Là, il repart. Voum! Alors, tu es là. Voum! Voum! Là, il tourne un coin. Voum! Voum! Fait que je dis, ben, j'ai dansé la meringue. 10 pesos. Pas cher. Pas cher. 10 pesos, 25. À peu près 30 cents, 33 cents, 30 cents à peu près. Mais tu fais ton exercice, puis tu, c'est ça, tu fais ton... Hein? Ensuite, des fois, je prenais le doigt-doigt. Le doigt-doigt, c'est un genre de petite minivan, un peu comme des tap-tap, qu'on a en Haïti, là, où est-ce qu'encore là, ils vont rentrer autant de monde. Regarde la prochaine photo. Hein? Quatre en avant, tu peux te retrouver dans une vanette, 25 personnes dedans, tout entassé, dépendant de la grandeur. Ah oh, non, pas de pantoute. Mais, dans les autos, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les étrangers. Exactement. Prochaine photo. Ensuite, tu as les taxis concho, là. Hein? C'est Ah oui, quatre en arrière, tu peux avoir trois, quatre en avant. Mais non, mais il y en a un, c'est Ah oui, ça peut être cinq, ça peut... En autant que les gens ne se plaignent pas trop, puis qu'ils hein, vont en rentrer un de plus, puis... Je me suis retrouvé dans une situation où il y avait une grosse dame, il y avait Gédéon, puis il y avait moi. Puis là, c'était plein, le taxi. Puis là, le chauffeur dit, « Ben, tassez-vous donc! Il a rendu la place! » Puis là, finalement, il arrête pour prendre un autre passager. Mais tu sais, là, tu t'en... C'est inimaginable, mais il en rentre quatre. Ça rentre! Alors, on appelle ça le taxi concho. Vous n'allez pas tout à l'heure? Non, il laisse... Les gens s'en vont. Okay. C'est ça. Ça, c'est les minounes. Il y a pire, mais il y a encore pire. Puis aussi les motos pancho. Ça, je ne l'ai pas pris. J'en ai pris un une fois au Cap Haïtien. Et t'es toujours vivant? Toujours vivant. Et je me suis dit, il faut vraiment être mal pris pour prendre une moto pancho. Ça, c'est les motos à Puerto Plata. Là, on avait loué une auto. Hein? On avait loué un CRV. Puis, au début, j'étais un peu nerveux parce que il y a de la moto, et les motos viennent de nulle part. Quand tu conduis, de gauche, de droite, tu viens pour tourner, il y a une moto qui va te passer. Moi, je les appelais les moustiques. Parce qu'ils font le bruit des moustiques, puis ils arrivent de partout. Et puis, mais finalement, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de motos à Puerto Plata, mais à Santo Domingo aussi. C'est un guagua. C'est un guagua. C'est quoi ça? Ben, c'est ça, c'est un peu comme une vanette qu'on a vu tantôt, sauf que là, tu as des gens sur le dessus. Ouais. Ça, c'est le modèle allongé. Oh, ouais. Ouais. C'est moins cher, oui, c'est ça. Il y a aussi le métro. Bravo, le métro. Je l'ai pris deux, trois fois le métro. Ça dépendait où j'allais, à Santo Domingo. Là. Mais c'est ça. Donc, non, les deux, en surface et sous la terre, dans le centre-ville, oui. Très bien, très moderne. Puis, d'ailleurs, le gouvernement investit beaucoup dans le transport en commun pour le métro. Ils veulent faire une autre ligne de métro, nord-sud, aussi bien que le métro qui va se rendre jusqu'à Santiago. Alors, beaucoup d'investissements dans ce domaine-là. Michel? Dans la Santo Domingo? Oui. Je ne saurais pas te dire. Je sais que la population de l'ensemble de l'île, c'est 9 millions. 9 millions, c'est ça qu'on dit, là, que c'est 9 millions à peu près. Fait prochaine? Puis il y a ça aussi. C'est quoi? Une mule. Ben non, ben là. T'as donné des noms au taxi à plusieurs fois. Ça, là, c'est. Mais je pense pas que tu survivrais à tirer autant de monde que dans un taxi comme ça. Voilà. Donc, ça a été un beau voyage. C'était un beau voyage. Et puis, avec les possibilités, donc, de ce projet-là à Porto Plata. Oui? C'est vrai. Pour prendre en considération qu'on est très chanceux, puis avant d'acheter, se poser la question si on a vraiment besoin ou si on a envie de les poubelles. Ouais. Si on regarde les poubelles ici, là, avoir un camion, ça montre des affaires. Tout à fait. Tout à fait. C'est pourquoi que le retour ici est difficile. Parce que quand tu es là-bas, puis tu vois le. Surtout, j'allais souvent dans les barrios, hein, tellement tous les jours, j'allais dans des quartiers très, très pauvres. Voir les différents ministères à Santo Domingo, si bien que Porto Plata. Alors, quand tu vois la condition dans laquelle les gens vivent, l'appartement où moi j'étais, c'était dans un beau quartier relativement à ces barrios là, que je visitais. Comme je dis, Gédéon vit dans une situation, une condition que je passerais peut-être une nuit, là, pas plus. Mais lui vit là-dedans avec 5 autres personnes. 5 membres de sa famille, son frère, la femme de son frère, son neveu, la femme de son neveu. Puis, en fait, il se retrouve 5 dans une petite maison qui est la grandeur de mon salon. Ils sont 5 là-dedans. T'sais? Et c'est ça. Donc, voilà pour mon petit rapport. Puis, si vous voulez donc nous accompagner en prière pour le projet de Porto Plata, l'ancien orphelinat d'Abillard. Et puis, si ce n'est pas ça, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. OK? Plaisir.